Bonjour. Bonjour. Hello. Ici Elka Tou, je suis toujours avec Nelson et Nio. C'est nous. Donc cette semaine, on a du culte, on a du confidentiel, que ce soit dans le titre ou dans le film en lui-même, on a du français, voilà. La France. Commencer avec Spencer Confidential de Peter Berg avec Nelson. Ensuite, nous continuerons avec Bacchanal de John et Lem Lamero pour Nio. Amero. Hein? Ouais. Amero. Amero, bon, j'avais besoin. Pour dire à quel point c'est confidentiel. Ah bah oui. Tu vois, on n'entend rien au téléphone en réalité. Ensuite, Fahrenheit 451 de François Truffaut avec moi-même. Ensuite, Dementia de John Parker avec Nio. Et pour finir, Clément, Alex et tous les autres de Cheng Kui Kuo. Ou Cheng Shui Kuo, pardon. Avec moi-même. Voilà. Et donc, c'est ce cher Nelson qui va commencer avec du lourd, du très très lourd, lourd, mais on va voir ça avec du lourd, hein, mais... Spencer Confidential sorti en 2020 sur Netflix. Je pense qu'il devait sortir au cinéma, mais finalement. Avec le Covid, il a dû sortir sur Netflix directement. C'est un film d'action, donc c'est une bonne série B, très correcte, qui est basée sur les personnages créés par l'écrivain Robert B. Parker. Et en fait, c'est aussi basé sur une série américaine des années 80, de 85 à 88, qui s'appelait Spencer for Hire, avec Robert Urich. Il y avait le personnage donc de Spencer, et puis il y avait son collègue qui était un grand noir, et qui lui, alors j'ai oublié son nom malheureusement, attendez, je vais retrouver le truc parce que dans la distribution, voilà, c'est Hawk. Voilà, Hawk, et en fait Hawk il aura aussi sa série, mais elle va tenir même pas une saison, quoi. Et en fait, donc c'est l'histoire simple. Le drame des spin-offs. Ouais, c'est ça. L'histoire de Spencer, qui était un flic, qui en fait a tabassé un... Ah non, mais c'était même pas prévu que ça sorte en salle, en fait. C'était même pas prévu que ça sorte en salle, parce que la société de distribution, c'est Netflix. Ah d'accord, bah autant pour moi, alors je pensais que c'était... Tu vois, on s'y retrouve même plus, en fait. Je pensais que c'était une dommage collatéral, tu vois. C'est pas eux qui l'ont produit, mais c'était eux, la société de distribution, et il est sorti d'un coup en mondial, comme ça. D'accord. Donc, écoute, ok, pas de problème. C'est assez simple, en fait, l'histoire. C'est un officier de police, Spencer, qui se retrouve qu'il a touché 50 tôles. Pour avoir en fait il a tabassé un policier en exercice, et lui aussi c'est un policier, il a tabassé un policier en exercice, et en fait ça c'est comment dire, il s'est retrouvé devant la justice, il a fait des coupables et il a mangé 50 tonnes. Il se tape entre eux, on peut plus rien faire. Ouais, mais... c'est ça c'est voilà, donc c'est l'agression de son supérieur, et donc lui se retrouve à sortir de prison au bout de 5 piges, et l'attend à la sortie un vieux joué par Alan Arkin qui s'appelle donc Henry, et Henry c'est Henry Cimoli, et en fait il est c'est pas très précis, en fait je pense que c'est son beau-père, parce que le personnage de Alan Arkin il le dit à un moment, il dit ouais, ta mère elle aurait pensé quoi de la manière dont tu te comportes, et en fait c'est là que tu comprends qu'en fait ça devait être genre son beau-père, et qu'il est toujours resté en contact avec lui, quoi. Et donc il se retrouve que Spencer il vit chez Henry, Et chez Henry, il y a un autre mec qui vit, qui s'appelle Hawk. Et en fait, Hawk, c'est une espèce de grand black, une masse. Et au départ, lui pensait que, enfin, Spencer pensait qu'il allait être tout seul, qu'il allait être tout seul. Et en fait, il s'aperçoit que il y a un autre mec qui est là, et c'est parce qu'en fait, c'est un gars qui lui paye, enfin, qui, comment dire, qui a accueilli Henry, enfin, que Henry a accueilli chez lui, et lui, tu sais, il le paye comme, enfin, il lui paye une chambre, quoi, tu vois. Et donc tout ce beau monde en fait vit ensemble, et puis un jour Spencer en fait découvre que on apprend la mort du mec qu'il a tabassé, de l'officier de police qu'il avait tabassé. On a retrouvé son cadavre, et lui, la police vient le voir en premier, et en fait lui il dit, moi j'ai rien fait, je viens de sortir de prison et tout, et hein, du coup ça l'intrigue. Et il y a un deuxième mec qui est mort, qui est pareil, un autre policier qu'on a retrouvé dans sa bagnole, une balle dans la tête. Et ce mec-là, il se trouve que lui, on trouve chez lui de la drogue, alors que c'est pas du tout, c'est alors qu'il a il a jamais été dealer, il a jamais rien fait. Donc ça éveille En gros, la il se fait accuser curiosité. pour un truc qu'il a pas Voilà, fait, c'est quoi. un truc qu'il a pas fait exactement, et en fait ça éveille la curiosité de Spencer, qui va se dire, il faut que je règle cette affaire. Et donc du coup il va se passer plein de choses. Et écoute, que dire sinon, c'est une bonne série B, c'est une sympathique série B. Après les bastons sont filmés avec le cul, il y a D'accord. pas d'autre mot, il y a pas d'autre mot, c'est filmé avec le cul. C'est malheureusement les scènes d'action, Peter Berg il sait pas les filmer, et c'est pas la première fois, parce que Peter Berg c'est, pardon, petit rototo, c'est le réalisateur du Royaume, qui Et est de Very vraiment Bad un Things, génère. surtout, attends, Very Bad Things. Ouais, Very Bad Things, oui, c'est vrai, mais Et principalement, moi. Hancock, putain, Hancock, c'était une cata, enfin, c'était grosse déception à l'époque, Ah Hancock, hein. bah oui, bien sûr, parce qu'on s'est tous dit, ah putain, comme il s'appelle, Will Smith, qui fait un rôle à contre-emploi, et en fait, non, c'est encore Will Mais Smith qui honnêtement, joue, quoi, je tu veux vois. dire, j'ai l'impression qu'à part, j'ai pas vu le Royaume, mais enfin, Very Bad Thing a eu son petit succès, mais enfin, le mec, il a quand même enchaîné Hancock et Battleship. Ouais, il a fait Battleship, Putain, je sais pas si c'est Battleship, un quoi. gros nanar, mais en tout cas, c'est un sens, Ah, je trouve. c'était moche, Battleship. C'est pas le film avec Mais bon. Rihanna? Ah, Ouais, c'est si. le truc avec Rihanna, c'est ça. Ah, Tu si. vois, alors ça et Valérian, putain, elle a pas fait des trucs super, Rihanna. Bah, d'ailleurs, elle a pas fait d'autres, elle s'est dit, c'est peut-être pas la peine que je lutte, quoi, donc Ouais, peut-être, Sur Valérian. peut-être. Ouais, Valérian, elle est dans Valérian, Rihanna. Ouais. Aucun souvenir de son apparition dans le Elle fait, film, tu sais, alors. une nana de cabaret, là, qui change un peu, là. Ah, ouais, Son alors apparition, franchement, ça ok. dure à peine 5 secondes, 5 minutes, quoi, Oui, pause. non, mais c'est Ouais. juste un rôle comme ça, quoi. Alors, bon, que dire donc, oui, que le truc, c'est quand même, enfin, les scènes d'action sont filmées avec le cul, malheureusement, et c'est très dommage, parce que j'aurais vraiment aimé que, tu vois, ça aurait pu participer à la, comment on appelle ça, justement, à faire du film un kiff encore plus fort, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est pas grave. C'est un héros badass, mais qu'on prend plein la gueule, donc ça fait quand même plaisir. Après, c'est pas la première fois que tu vois, enfin là c'est une adaptation de série télé à nouveau, comme Denzel Washington qui a joué dans The Equalizer, malgré qu'on est très très loin de ce qu'était The Equalizer avec Edward Woodward. Là, quand même, bon, le rôle de Mark Wahlberg est très bon. Enfin, c'est très très correct. Il y a des situations, enfin, c'est vachement correct. C'est pas genre le mec imbattable ou quoi, okay, il s'en prend plein la gueule. Il se fait attaquer par un chien à un moment. Alors c'est vrai que ça pousse la séquence, elle est drôle, mais elle pousse un peu trop en longueur, et du coup à la fin on en a un peu plein le cul. Mais genre, il arrive des tas d'emmerdes. Après, le scénar, tu te mets dans un wagon, et le, enfin, tu sais, c'est un parc d'attractions. Tu rentres dans le wagon, et puis le wagon il va t'amener dans toutes les séquences, et tu sais très bien ce qui va se passer. C'est très prévisible, parce que en même temps, voilà, on est sur un scénario avec des codes qui sont connus, il n'y a pas de grande surprise, mais ça fait le taf. Ça fait le taf, et franchement, je trouve ça vraiment sympa. À noter dans les personnages que j'ai bien aimé quand même, c'est celui de Sissi. Donc c'est la, je sais pas trop si c'est la petite amie ou alors si c'est la l'ex-femme en fait de Spencer. Mais c'est une meuf complètement complètement hystérique et du coup ça va, c'est elle le roule, elle, enfin l'actrice. Elisa Schlesinger, elle joue vraiment la meuf complètement hystérique, vraiment bien. Sinon, il y a à noter aussi le rappeur Post Malone dedans, qui joue un lifer, donc un condamné à perpétuité. Et sinon, Winston Duke, malgré que son personnage, il est quand même, il est quand même sacrément, merde, comment je peux dire ça, transparent. Il n'y a pas grand-chose de cool dans enfin, voilà lui son interprétation pardon son personnage est cool mais son interprétation elle est Je assez pense qu'ils l'ont transparente. pris pour le physique. Ouais sûrement Parce sûrement que et puis pour rappeler Winston Duke, c'est le mec, c'est il jouait dans Black Panther, qui fait le chef de la tribu rivale qui réclame le trône aussi là. Et il joue M'Baku, je crois. Et il a joué aussi dans Us de Jordan Peele, c'est lui qui fait le père de famille. Et il quand même, c'est un beau bébé quoi, tu vois. Donc, bon, ouais, bah oui. je pense Ah, c'est qu'ils sûr l'ont que pris pour ça quoi. le mec qui est pas le gars, c'est un colosse, quoi, c'est clair, c'est un colosse. Mais enfin bon, ça fait le taf. Ça fait le taf. Alors quelques petites trucs sur la production. Donc c'est Il y a basé Marc sur Maron aussi, et je me souvenais plus en fait. Parce que, en Marc fait, moi Maron, aussi. il a joué dans quoi, lui? Ben, Je il sais joue. plus. Marc Maron, oh, il est dans la série. Ah putain. Dans la série Glow. Et accessoirement, c'est un comique américain aussi. Enfin, il avait son Ah, show aussi. d'accord. Il avait son. Marc Maron, je sais plus, Maron Show, je sais plus, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Enfin, il était. Bah, justement, tu vois. D'ailleurs, on va revenir plusieurs fois à Bowie, là, pendant ce numéro, indépendamment. Marc Maron, il est. On en avait parlé quand, tu sais, quand on avait pour l'émission sur Bowie, en fait, notre numéro sur Bowie pour le Pony Cosmic Show. Pony Show Cosmic Club. En fait, il est dans le prochain biopic sur Bowie. On sait pas trop ce qu'il va jouer, mais voilà. Attends, c'est lequel depuis sur Bowie là, parce qu'il y a Mais Stardust qui oui, est bah c'est sorti, Stardom, c'est ça. mais j'ai un pote qui l'a vu, il m'a dit que c'était nul à chier. Ah bah oui, bah who is surprised? Donc Oui, t'as il a un bien petit peu fallu. attendu quoi, les mecs on va faire un biopic sans les droits des chansons, sans un Ouais. acteur qui ressemble un tant soit peu à Bowie, bon Ils ont même fait renseigner, visiblement, quoi. hein. Ils ont même fait renseigner, quoi, visiblement. Et puis je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé dans l'intro de l'émission sur Bowie, c'est-à-dire qu'il y a le personnage du mec là qui avait enseigné le mime à Bowie, il est pas et qui dont s'est inspiré pour le personnage de Ziggy Stardust aussi, pour tout ce pour le show. En fait, il est pas présent dans le biopic. Il n'était pas présent dans l'affiche MTB. Donc, si tu veux, il y a quand même un paquet de trucs qui manquent sur ce biopic. Donc, si c'est moche, c'est pas étonnant. Ouais, grave. Bah, du coup, voilà, c'est Peter Berg et Mark Wahlberg, ça fait quand même un bail qu'ils bossent ensemble, tu vois. Voilà, il y a, comment ça, du sang et des larmes, Deepwater, Tracas Boston. Tracas Boston, je l'avais vu, j'ai très peu de souvenirs, mais c'est, voilà, Tracas Boston, je l'avais vu, et 22 Miles aussi. Voilà, et Simon Bell, voilà, comme beaucoup de films justement de Peter Berg, il y a beaucoup de. Lui, il tourne pas mal à Boston, et là, pareil, comment ça s'appelle ce film-là, il a été tourné à Boston, et c'est un des trucs qui revient souvent Alors c'est très marrant dans la parce qu'en fait, série. excuse-moi, il y a t'as remarqué au niveau du compositeur musical, Non. c'est Steve Jablonski. C'est pas le premier film qu'il fait où il y a Mark Wahlberg. Ouais. Il a fait Transformers The Last Night parce qu'il était déjà sur les Transformers en fait. Ouais, bah oui. Et Oui. il était sur Battleship aussi, donc de Peter Berg. Il a fait un paquet de trucs. Genre, j'ai l'impression que c'est le mec quand. C'est le mec des musiques de films d'action, en fait. Parce Ouais. que quand tu vois Bloodshot, donc le film qui est sorti sur Prime cette année, enfin l'an dernier, Spencer Confidential, Skycracker, donc avec The Rock, Transformers The Last Night, Deepwater, Ninja Turtle 2, bon, Kinu, c'est un truc comique, Dernier Chasseur de Sorcières, Transformers, Sans des larmes, No Pain No Gain, qui est justement avec Mark Wahlberg aussi. Enfin, Marco t'as c'est vrai. l'impression que quand il faut un truc un peu musclé, c'est lui, quoi. Ouais. Bah là, en tout cas, c'est. Voilà, la musique, je dirais pas qu'elle est pas présente, mais bon, c'est vrai que c'est beaucoup, avec beaucoup de titres de groupes, plus que des trucs faits par lui. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il y a. Après, j'ai pas écouté la BO, hein, Toi, mais. elle t'a pas interpellé la musique, quoi, en gros. Non, ça m'a pas interpellé plus que ça. Donc, en gros, Ça m'a pas c'est interpellé plus film que ça. moyen, quoi. Voilà, mais non, une bonne série B. Après, il faut éviter de faire croire qu'ils tournent les plans vraiment dans la neige parce que les mecs, ils avaient vraiment froid, ça se voyait, quoi. Ça se Et je verrait, peux tu vois. t'avouer un truc, c'est que moi je m'en souviens plus du film en fait. Il m'a pas marqué. Ouais, J'ai juste le ça se voyait. souvenir qu'il m'avait pas, que j'avais pas trouvé ça fou, quoi. Moi, j'avais. C'est une série B sympa, vraiment, c'est une série B sympa. Après, voilà, c'est vraiment. Tu vois, le soir, t'as rien à faire, tu veux te détendre, tu regardes ça. Comme tu peux regarder des tas d'autres séries B enfin d'habitude, tu vois. Mais je préfère largement me mater celui-là, même s'il est filmé avec le cul, que de me mater Two Guns, qui est la même série B, sauf que c'est avec Denzel Washington, et que là je commence réellement à être épuisé de Denzel Washington et de son jeu de kéké, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Voilà. Mon cher Mio, tu nous Oui. parles de ce film inconnu qui est Bacchanal de John L.M. Amero. Écoute, je pensais qu'il était inconnu, mais visiblement, Ah non, pas. Bon, d'accord. même le plus obscur des cinéphiles dans mes contacts a liké. Donc j'ai fait, ok, bon, il y a moins une personne qui connaît. C'est le pourcentage de ratio, enfin de quota, quoi. Oui, mais il faut voir en même temps qui clique. Donc, Bacchanal de 70 est un film des frères Amero, John et Lem. Ce sont deux frangins qui ont pas mal œuvré dans le cinéma underground new-yorkais à la fin des années 60, qui sont tous les deux gays d'ailleurs. Ils ont commencé en faisant, en fait ils font un peu tout, ils sont Ça à a un la fois rapport producteurs avec le sportifs. film un peu qui soit gay, parce que c'est un truc qui transpire de leur œuvre. Alors, d'après des études, il semblerait que en Amérique, quelques-uns de leurs films sont étudiés pour les gender studies, pour tout ce qui est le porno queer un peu hétéro, etc. Moi, Ah ouais. j'ai rien remarqué. Franchement, j'ai rien remarqué. Ça pourrait être, enfin, de ce point de vue-là, ça pourrait être un porno qui pourrait être fait par des hétéros, etc. Voilà. D'accord. Donc, il s'était fait remarquer par quelques petits trucs érotiques avant ce film, comme Journal secret d'un mannequin en 67. Et comme je disais, ceux qui font un peu tout, ils écrivent, ils font la production, ils tournent, tout ça, bon. Et en 70, avec Bacchanal, ils se disent qu'il faut frapper un grand coup, parce qu'on entre dans les 70, le cinéma porno commence un petit peu à émerger à ce moment-là, et enfin, là, eux, leur film, 70, ils vont engager donc une jeune femme qui en fait s'appelle Ute Erickson, que je ne me trompe pas. Uta ou Uta? Uta Erickson, voilà. Uta Erickson, qui à la base, elle a été mannequin, elle a fait pas mal de petits films de sexploitation, comme on dit, et elle va disparaître totalement de la scène en 72-73. Hop, on sait pas trop ce qu'elle est devenue. Elle a visiblement arrêté sa carrière, on sait beaucoup, elle a arrêté sa carrière, etc., après une vingtaine de films plus ou moins érotiques ou coquinous, etc., qui étaient pas trop hard. Ah, je sens que Nelson veut dire un petit ouf, non? Alors que Bacchanal, les frangins, il y a des insertes explicitement porno. Et c'est ça qui est intéressant. On rentre en plein dans les années 70 avec un film qui est vraiment qui appartient au domaine un peu hardcore. C'est-à-dire que avant, il pouvait y avoir des petits films porno, mais il n'avait pas encore émergé, il n'y avait pas encore des gros plans, etc. On est encore plus proche de l'érotisme avant. D'accord. Et les deux frangins, donc qui viennent du milieu underground, etc. Il raconte en fait, j'ai trouvé une interview d'un des deux frangins, parce qu'il y en a un des deux qui est mort. Donc celui qui est restant, qui est encore vivant, John, bon, il est un peu, il est plutôt jeune maintenant, il doit avoir quelques 90 ans. Il racontait qu'en fait, en tant que cinéphile, ils avaient été fortement influencés les deux en 65 par le film de Fellini, L'Huillette des esprits. Et en fait, bon, déjà c'est des mordus de Fellini, un peu comme moi. Mais ce qu'ils avaient impressionné dans Fellini, c'était que L'Huillette des esprits, même si c'est pas un des meilleurs Fellini, Fellini était un des rares à l'époque à s'intéresser à l'approche de la psychologie de la femme. Parce que J'ai des esprits aborde à la fois l'approche psychologique et sexuelle d'une femme mariée à l'époque des années 60. Et c'est un peu le contrepoint de 8 et demi. Parce que 8 et demi se base sur le personnage un peu masculin de Mastroianni, qui est l'alter ego de Fellini. Là, on a Giulietta, la compagne de Fellini, qui joue le rôle dans J'ai des esprits. Et le film se base du coup sur le contrepoint, l'aspect féminin. Alors évidemment, c'est pas parfait, quoi. Fellini n'étant pas un psychologue, il n'a pas non plus l'intention de faire un gros film à thèse. Mais le film va être suffisamment marqué pour impressionner les frangins. Et ils disent qu'ils vont faire un film sur la déambulation d'une femme dans New York à une femme qui a un lourd passé psychologique. Alors, le titre Bacchanal, ça c'est un truc un peu marrant. On leur a demandé d'où venait le titre Bacchanal, en fait, bah, ça n'a pas de raison. Ils aimaient bien le mot, comment ça sonnait, donc ils ont adopté le truc. Ça n'a aucun rapport avec le reste du film. D'accord. Mais sinon, le film est intéressant parce que déjà, c'est tourné un peu comme un film muet des années 10, années 20, qui a été colorisé. Donc, c'est des couleurs un peu teintées. Comme dans les films muets qui sont colorisés, vous savez, des couleurs un peu teintées, avec une scène quand c'est en plein jour, c'est une couleur teintée orange. Quand c'est en pleine nuit, ça va être juste du bleu, etc. à l'image. Tout le film a une espèce de couleur comme ça. La musique, c'est une musique un peu inquiétante, avant-gardiste. Et le film peut se voir comme l'illustration d'une espèce de descente aux enfers, un peu comme Orphée qui va descendre aux enfers pour aller chercher Eurydice. Là, je vais un peu spoiler un peu, mais juste un tout petit peu, parce que c'est Il y pas... a un petit côté un peu arty, c'est ça? Totalement, totalement, Okay. parce que dès le début du film, elle sort un peu de son corps. On voit avec une surimpression, elle sort de son corps. On voit un couple qui fait l'amour devant elle, mais elle reste juste 2 secondes et puis elle commence à descendre l'escalier. C'est une espèce de grand immeuble et elle arrive à une espèce de partie. Où tous les gens font comme un bal costumé, sauf qu'elle arrive à une nuit, elle a perdu ses vêtements entre temps, enfin, il y a des raccords très bizarres, et tu commences à comprendre qu'en fait, parce que la fin du film, c'est un peu le rôle un peu en enfer. Tout le film, c'est un peu comme une descente aux enfers, un peu comme la descente aux enfers chez Dante. Mais là, je parlais de Eurydice et d'Eurydice, Eurydice et Orphée, parce qu'en fait, je parlais aussi d'un traumatisme. En fait, il y aurait une histoire avec son frère qui serait mort au Vietnam. C'est pour ça, son frère a dit les mots Gordon, son Gordon. Il serait mort au Vietnam et en fait, elle était amoureuse de son frère. Il était une histoire d'inceste là-dessus. Ah, c'est très à la Voilà. mode cette semaine comme sujet. Voilà. C'est Exactement. pas tout à Mais fait de c'est une l'amour, porno. mais. Elle était une porno à l'époque, hein. On essaie de faire une histoire, madame. Hein. Ah, mais de toute façon, l'inceste dans le porno, c'est un énorme business, donc. Voilà. Et je ne vais pas trop spoiler, mais disons que tout le film peut se voir comme une espèce de rêverie étrange. David Lynch n'a même pas encore tourné son Eraserhead, mais c'est presque du Lynch quelques années avant l'heure, quoi. C'est très étrange, très étonnant. Il n'y aurait pas les inserts porno, ce serait même pas une porno, ce serait une espèce de déambulation contemplative, mais je pense que ça perdrait peut-être un peu de son intérêt. Mais du coup, le film est classé en porno, ou c'est plus un film arty, justement, un peu érotique, quoi. C'est à mi-chemin des deux, c'est à la fois arty dans sa mise en scène, dans sa volonté, dans sa musique, dans ses plans, etc. Et Mais c'est aussi oui, ouvertement d'accord. porno par les inserts qu'il y a, quoi. De ce qui t'apparaît, mais le vrai classement, il est classé en tant que quoi? Ben c'est ça, c'est... Moi, Parce je... que comme on ne trouve rien dessus, s'il est classé en porno, ça pourrait expliquer. Alors, effectivement, parce que IMDb, mais adulte, quand même, être adulte, c'est pour dire que c'est une film D'accord, porno, quoi. oui, d'accord, ok. Voilà. Et moi-même, j'ai pu le voir... Je vais pas trop dire comment j'ai pu le voir. Mais disons que Via un site pour adultes, c'est ça? c'était classifié en classique porn. Ouais, bah ouais, c'est ça, c'est Avec que. dans les tags expérimental avant-garde. Ouais. Non, mais c'est marrant Incroyable. parce que du coup, je sais pas si c'est là qu'on se rend compte que les sites de porno, des fois, se trouvent être le garant de certains films comme ça, de vieux machins, qu'on peut plus voir nulle part, en fait, juste parce qu'il y a du cul dedans, en fait. Je C'est trouve ça ça. assez fou, quoi. Et c'est le genre de film où tu dis, tu retires le cul, bah c'est pour être un truc qui pourrait te manquer dans les écoles de cinéma. Ouais. Donc voilà, c'était une expérience intéressante, Bacchanal. Très intéressante. Un petit film, je ne devrais pas faire tous les jours. J'aimerais Mais bien ça voilà, tous c'est. les jours. Voilà. Mais ça mérite d'être regardable. Voilà. Et en plus, le film D'accord. est court. Hein. Il dure un peu D'accord. plus d'un. Mais court, il fait court combien? 1h10, 1h15. Ah Ouais, c'est pas bon, ça, oh, par c'est contre. un truc de base, quoi. Voilà, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On a tellement l'habitude d'avoir des films de 2 heures que quand il y a un film de 1h15, on fait, oh, c'est court. C'est ça. Bah alors, on Donc va. voilà. Ok, on va enchaîner tous les deux sur Fahrenheit 451. Je vais commencer, puis tu vas continuer après parce que tu es Non, oui, un vas-y. plus spécialiste que moi. Oh, tu es modeste. Bah, surtout qu'en plus, bon, j'ai pas vraiment poussé le truc très loin, là. Fahrenheit 451, c'est un film que j'ai toujours voulu voir et du coup, je me suis dit que c'était l'occasion. Bien fait. Donc, attends, parce que du coup, on n'a pas. Ça fait un moment qu'on n'a pas rappelé le pitch. J'étais complètement à l'ouest, moi, j'ai pas du tout fait gaffe à ça. Donc, un film de François Truffaut, qui reste son seul film en langue anglaise, apparemment. C'est marrant d'ailleurs, parce que, enfin bon, toi tu nous en parleras un peu plus, mais dans le film d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans le film il y a plein de livres en français en fait. On voit à la fois des livres en anglais et des livres en français. Je suis pas sûre qu'un réa anglophone aurait eu le réflexe de mettre des livres en français, quoi. De fait. En fait, c'est dans une société un peu qu'on dit dystopique, mais comme si c'était un espèce de futur proche qu'aurait un peu changé, évolué curieusement. En fait, on considère que les livres sont en danger parce que ils rendent les gens malheureux et du coup, bah, on les brûle pour éviter qu'ils lisent et qu'ils se sentent malheureux après, quoi. En gros, c'est complètement tordu. Donc, alors qu'en fait, c'est juste une manière de mieux manipuler les consciences, en fait, en réalité, quoi. Et donc c'est l'histoire d'un pompier, parce que dans cette société, les pompiers, en fait, ils n'éteignent plus les feux, mais ils les font justement, parce que c'est eux qui brûlent les livres. Mais c'est genre, les pompiers, c'est une espèce de caste un peu militaire qui trace le bouquin, qui les cherche, et qui trace les fautifs de ceux qui possèdent des bouquins, enfin voilà, des trucs de fou, quoi. C'est une espèce, c'est un peu les nouvelles milices, quoi, les pompiers en réalité dans ce truc-là. Et donc un jour ils rencontrent dans les transports en commun. Voilà, c'est assez classique en fait. C'est là qu'on voit que c'est un Français qui l'a fait dans les transports en commun. En fait, il rencontre, je sais pas si dans le bouquin c'est comme ça, mais bon, il rencontre une nana, sa voisine, avec qui dit, hey, je vous connais, je vous reconnais, et il fait connaissance avec elle. Et en fait, sa relation avec elle, enfin, ne serait-ce qu'une simple amitié, hein, va le pousser à s'ouvrir un petit peu plus à la question de l'existence des livres. Et son propre rôle justement par rapport à ça. Donc c'est bah, un roman à la base de Ray Bradbury que je n'ai pas lu, donc j'étais complètement vierge de l'histoire. Hein, donc 451 parce qu'en fait c'est le degré de d'auto-inflammation du papier, voilà, qui est exprimé en Fahrenheit. Donc Oui, voilà, ça c'est. correspond à 96 degrés Celsius, quelque chose comme ça. Ça correspond à 232,78 degrés Celsius. D'accord. Voilà, j'ai plus que 96. Ah, pardon. donc, bah, j'ai trouvé que le film décrivait très bien en fait l'omniprésence des écrans et de l'abrutissement par les écrans parce que c'est on sent que c'est déjà la thématique de base parce que déjà dans le générique en fait il y a des antennes. Des vieilles antennes comme on n'en voit plus maintenant, mais des antennes télé. Et en fait, ça fait vraiment bien passer l'idée que c'est un média de base pour s'immiscer dans les foyers et transformer l'esprit des gens. D'ailleurs, la femme de Montague, donc le pompier en question, elle passe ses journées devant. Et notamment à regarder un truc qui s'appelle La Famille, une émission donc dont elle est complètement abrutie et qui lui retourne la tête quoi. Et par la suite on voit que il y a une mise en scène de la vie, que il y a les médias change des versions, montre des trucs pour que les choses se passent dans le sens où ils ont envie de le montrer. Enfin voilà quoi. Et en fait, il y a ce truc aussi de dire que le bouquin, c'est la vie. Et c'est pour ça qu'à un moment, le personnage dit, je dois rattraper le temps perdu. Comme s'il voulait. Et quand il dit ça, c'est pour dire qu'il va lire, en fait. Pour rattraper la vie en lisant, car il démontre que bah voilà, c'est le livre, c'est la vie dont sont privés les gens, justement. Après, par rapport au personnage, il y a une progression classique du personnage. Hein. On a souvent vu ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a sa propre évolution spirituelle et petit à petit, donc au contact de cette femme, il arrive à se déprogrammer de ce qu'il connaît. C'est genre là, il est obligé de cramer les livres. On se rend compte petit à petit qu'il en planque, en fait. Et puis il est pas très bon planqueur, hein, parce que bon, à la base le mec il est censé être spécialiste de chercher les livres, donc normalement il sait les cachettes qu'il faut éviter. Bah non, là. Et il arrive à se déprogrammer donc de ce qu'il connaît pour suivre une espèce d'instinct de survie intellectuelle, parce que c'est ça le truc en fait, c'est que on laisse comprendre que ouais on abrutit les masses mais qu'il y aura toujours quand même il y a quand même des rebelles en fait, une petite partie de rebelles qui eux ont un instinct de survie intellectuelle à essayer de faire perdurer ce genre de choses quoi. Alors il y a l'opposition de personnages en fait, c'est Julie Christie qui la joue, ça rajoute deux personnages donc la voisine et la femme du personnage de Guy Montague. Parce que donc ouais dans les personnages j'ai pas fait des acteurs là cette fois, d'habitude je le fais mais là je l'ai pas du tout fait. Alors attends, peut-être que je cherche ça. Donc, non mais enfin j'essaye de naviguer entre tous mes onglets là. Donc il y a Oscar Werner. Oscar Werner qui a joué dans pas mal de trucs, Qui le avait joué juste avant dans Lamontès, Duel de Truffaut. hein? Qui avait joué dans Duel de Truffaut, justement, juste avant. Oui, bah, comme quoi. Dans la Lamontès aussi, enfin bon, l'espion qui venait du froid. Enfin bon. Accessoirement, vers la fin de sa carrière, il a joué dans un Columbo, mais ça... Donc voilà, et Julie Christie, donc, qui est... Enfin, c'est marrant parce que je me souvenais pas qu'elle avait un visage particulier comme ça. Je crois que je l'avais surtout vue vieille, en fait. Donc la voir jeune, ça me... Je sais pas, ça m'a fait un peu bien, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'elle a un visage intéressant par rapport aux nanas de cette époque-là. Elle en a toutes les caractéristiques, mais en même temps un petit peu particulier, je trouve. Donc voilà, j'ai ici Docteur Jivago, John McCabe, ouais, enfin des trucs un peu voilà qu'on connaît forcément quoi. Tiens, c'est marrant, Docteur Jivago avec comment il s'appelle Omar Sharif. Omar Sharif, c'est ça? Ouais, Celui-là, c'est mais ouais. oui, Oh, putain, la peau. c'est le docteur toujours partant. Ouais, par J'y contre. vais, go! Oh mon Dieu. Merci, merci, merci. Mic drop, tu vois. Non, mais par contre, elle a morflé en vieillissant. Elle a joué dans Belphégor, quand même. Ah ouais, bon, Ah ben, autant ouais. Belphégor quand même, l'ORTF quand même. C'est-à-dire RTBF. Non, non. L'ORTF quand même, Non, non, non, non. Belphégor, 2001. Oui, voilà. Ah, merde! Ah, Ah merde! ouais, Ah ouais, cette catastrophe! ouais. Jean-Paul Salomé! Après, moi, elle a joué dans un film que j'aime beaucoup, que j'adore, c'est le Hamlet de Kenneth Branagh. Je crois qu'elle jouait sa mère, d'ailleurs. C'est pour ça que Ouais, je c'était connais plus 3 heures et cette... demie, là. Aux 4 heures, je crois. Ouais, 4 heures. Il y a deux versions, il y a deux versions qui sont sorties, une de 2 heures, une de 4 heures, et j'ai vu les deux. Non, mais en fait, Quelques chiches. dans les scènes supplémentaires, t'as genre les scènes avec Depardieu, donc je me contrefous, en fait. Je crois que même j'ai vu la version, j'ai vu en VO et en VF aussi. Donc, Le temps du départ du bashing. ouais. Ouais, Donc, c'est ça. non, je suis pas sensible du tout. Voilà, donc, ouais, moi je connaissais plus cette qui est un peu plus vieille. Et donc oui, donc je disais ça parce qu'en fait, Julie Christie fait deux rôles. Et elle joue donc la voisine, la jeune voisine qui va ouvrir l'esprit de Guy Montag. Et elle joue sa propre femme qui, elle, est complètement engluée dans ce système, en fait. Et qui, d'ailleurs, va faire autant l'autre va la voisine va commencer à l'ouvrir, et autant sa femme, elle, tu sens bien que c'est foutu, hein, c'est-à-dire qu'elle n'en sortira jamais, et elle est une composante active de ce truc-là, quoi. Donc D'accord. c'est marrant parce qu'en fait, justement, il y a le fait que dans le film, il y a peu de femmes, et elles n'ont pas du tout une fonction intellectuelle dans le monde décrit, en fait, dans ce monde dystopique. Elles sont par contre présentes dans les dans, elles ont un rôle au sein de la société, des rebelles, en fait, des hommes libres. Et du coup, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas un signe pour dire que finalement l'émancipation de la femme passe par l'intellect? Tu vois, un espèce de petit sous-texte balancé comme ça vite fait, quoi. Bon, j'ai un seul bémol, en fait, c'est que j'ai un petit peu de mal à saisir le personnage principal dans son ensemble, dans ses réactions diverses et autres. Il y a pas la progression, ça ronçant à un moment qui ça y est, il se dit, faut que je me sorte, mais j'ai vraiment eu du mal, en fait, à me dire à partir de quel moment réellement, en fait, il commence à se dire, il faut que je change quelque chose. Je sais pas, je trouvais ça un peu flou. Mais bon, voilà. Après, c'est marrant parce qu'il y a des idées de déco sympas, genre la fausse TV bibliothèque, tu vois. C'est sympa. Maintenant, tu trouverais ça dans n'importe quel article Combini ou autre. Enfin, peut-être pas Combini, mais genre tu sais, les vidéos, genre 5 idées sympas de déco. Ah ouais, des trucs de chez sympa. Ouais. Et genre là, tu vois, ils sont en train de chercher un bouquin, il y a une télé, où il, où le chez un mec où est-ce qu'il a planqué des bouquins, et hop, les mecs, tu les vois qui démontent l'écran, et hop, t'as des livres derrière. Tu sens aussi le côté malsain du truc où, en fait, quand les pompiers viennent brûler des livres, t'as tout le quartier qui vient assister à ça, quoi. Tu sais, quand il arrive un truc tragique, un crime, quand tu vois des flics dans une rue, d'un coup, t'as toute une foule qui Oui, commence à voilà, son appareil s'amasser. photo. Il est avec son appareil photo. Ouais, non, mais c'est un peu ce truc-là, tu vois. Et donc, c'est vraiment pour dire que, ouais, en fait, la lecture, la littérature est criminelle, quoi, du coup, dans ce cas, c'est fou, quoi. T'as des trucs un peu en avance sur leur temps, tu vois, genre les écrans plats, ils appellent ça comment déjà? Je sais plus, le TV cadre ou je sais plus quoi, un truc comme ça. Les écrans crêpes. Les écrans plats, tu vois, nous, ça nous choque pas. Moi, ça m'a pas choqué quand je l'ai vu. C'est après, quand dans les dialogues, ils parlent d'écran plat, je suis là, oh putain, mais oui, tu vois. Et putain, c'est vrai que le film, il est quand même de 66, quoi. T'as les patrouilles de flics volants, quoi. Comme, tu sais, t'as l'impression que t'es précurseur des drones. Ouais, mais non. Et attends, oui, mais non, mais si, moi, ça me fait penser à ça. On voit que c'est vraiment un film des années 60 où à un moment t'as genre, oh regardez, ces jeunes ont les cheveux longs, tu vois. Alors ça vieillit mal pour le coup, tu Ouais, ben, ouais, c'est vrai, c'est vrai. vois. C'est vrai, non. Les pompiers, on sent que c'est vraiment une caste qui a vraiment le droit de tout faire, qui a tout pouvoir, parce que genre, ils voient une femme enceinte, ils la tâtent pour vérifier que c'est pas des bouquins qu'elle a sous son ventre quand même, comme ça, tranquille, Toute ressemblance avec les situations actuelles en France ou dans d'autres pays quoi. tellement intuitive. La parenté avec une société fasciste, mais fasciste, si elle n'était pas claire pour tout le monde, qui est quand même curieux quand même, elle est clairement exprimée au moment où t'as un des personnages qui dit il faut brûler tous les livres, tous, et en fait à ce moment-là il brandit Mein Kampf comme si tu vois celui-là il était acceptable de dire même celui-là ça nous crève le cœur mais faut quand même le brûler, tu vois, c'est Mais comme surtout s'il disait. celui-là même. Et bah moi je l'ai compris comme quoi celui-là faut on aimerait je l'ai compris comme s'il disait on aimerait bien le garder mais il faut quand même le brûler, tu vois. Ouais. Parce que c'est quand même les pompiers qui le disent, tu vois, une espèce de milice fascisante qui le dit à ce moment-là. Il y a cette notion aussi à un moment de mourir pour la liberté intellectuelle aussi. Donc voilà. Il y a plein de choses intéressantes par rapport à ça sur les messages. Et puis moi je l'ai dit, moi mon seul bémol c'est par rapport à la progression du personnage principal. Après, il y a rien à dire. Tout est bien fait. On voit que ça a été filmé en Angleterre quand même. Enfin, les films anglais, les films américains, surtout de cette époque, se distinguent assez facilement quand même. Donc voilà, c'est très classe. Le choix des décors est quand même. Parce que moi, c'est un truc qui m'a interpellée au début, en fait. Je trouve que le choix des décors est vraiment bien fait. On sent que c'est vraiment très très adapté. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont posé le décor au milieu, enfin l'histoire dans un décor et qu'autour, si on écarte un peu l'écran, on va voir des trucs qui détonnent à côté. Non, enfin voilà, on sent bien l'univers de l'histoire, quoi. Donc voilà. Nio, t'as des petites Ok. choses? Vas-y. Ouais, donc bon écoute, t'as pas mal creusé, moi je vais aborder d'autres aspects qu'il n'a pas creusé. Vas-y, vas-y. Déjà, il faut savoir quand même que le livre, c'est quand même un monument de l'ASF. Ouais. Et ce genre de livre que quand même dans ta vie tu y es confronté. Et pour l'anecdote, justement, Truffaut disait dans une interview qu'il n'était pas du tout science-fiction, que pour lui, science-fiction, c'était rempli de trucs idiots. Donc ce genre de truc, déjà qu'il en a envie de mettre une baffe à Truffaut, mais bon, il est mort. Voilà. Mais un ami avait insisté, donc Truffaut, il s'est plongé dans quelques livres, et puis il a été finalement conquis par le livre de Ray Bradbury, par exemple, 151. Oui, parce que c'est Alors. assez évident quand même les possibilités Ben, avec c'est la assez évident. Et puis Truffaut est un cinéaste pré-littéraire. Quand il fait lire du Balzac à Antoine, oui, Antoine Doinel dans Les Quatre Fantômes, déjà dès le début, pour son premier film, à la lueur d'une bougie, voilà, jamais Truffaut ne reniera son amour des livres. Et Fahrenheit 451, c'est pour lui l'occasion de le montrer à l'image. Et curieusement, ça va être le Truffaut, le moins Truffaut, entre guillemets, parce que, en fait, déjà, c'est un tournage, c'est une coproduction qui n'est pas uniquement française. Donc Truffaut est obligé de composer avec des acteurs qui ne parlent pas forcément français. Pour la musique. Rappelle-moi, il y a qui comme étranger dans le film? Bah, Bah, tout le monde en Blumenthal. fait, tout le monde en fait. D'accord. C'est ça. Déjà, celui que je vous montre, c'est un Allemand. Celui que Christie, c'est une Anglaise. Pour la musique, il va emprunter rien de moins que Herman, Bernard Herman, le compositeur de Hitchcock. Ouais. Ouais. Hitchcock avec qui, bah, il va devenir ami, Ah oui, après. attends, je l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je parlais de Bowie. Mais c'est qui fait la photo? C'est Nicolas Roeg. Tout à fait, tout C'est à fait. Ouais. Nicolas Roeg en période avant Bowiesque. Et t'en avais parlé d'ailleurs, parce que t'en avais parlé au moment de ce qu'il a fait, c'est-à-dire que sa première choréa. Là, on est en 66, sa première choréa est en 70, sa première réa est en 70. Mais Performance. Et ça, tu l'avais évoqué quand on a fait le truc de Bowie, justement. Et bon, sa réalisation la plus surprenante pour moi, c'est quand il a fait Sorcière, mais c'est pas. C'est une grosse chose. justement. Il semblerait que Nicolas Roeg ait tourné des scènes à la place de Truffaut par moment. La scène de l'immolation, ça c'est peut-être plus du Roeg plus que du Truffaut, parce que Truffaut, Ouais. l'unique film où il va aller le plus loin, entre guillemets, dans quelque chose qui pourrait déranger, c'est Les Deux Anglais du Continent. C'est Mais vrai bon, que pas c'est plus. la scène enfin qui casse un peu un truc quand même, donc ouais. Mais c'est une très bonne scène déjà. Et en plus, c'est intéressant parce que Truffaut réussit à être à la fois fidèle au roman de Bradbury et en même temps à le trahir, mais d'une bonne manière, et à le Tu trahir l'avais lu, toi, intelligemment, le quoi. roman? Ah oui, c'est dans les livres cultes. Il y a un détail très intéressant, c'est que dans le roman, on a quelque chose qui s'appelle le limier mécanique. Et le limier mécanique, c'est une espèce de robot qui va pister inlassablement les gens qui sont pourchassés, qui lisent. Il va les pourchasser et les éliminer et se repassera en direct à la télévision, justement. Je me Ouais, rappelle plus dans le. là pour le coup, c'est assez light sur le. Je trouve en fait le côté persécution en fait des gens, c'est il est je le trouve très très light pour une société fascisante où c'est vraiment il y a une boîte, c'est les gens qui viennent dénoncer et finalement après on voit plus les gens et puis c'est tout quoi. Enfin c'est je trouve que par contre ce côté persécution est pas si bien perçu que ça. Bah, en fait, je trouve même que c'est dommage que Truffaut n'ait pas eu, entre guillemets, les couilles d'aller plus loin, ou peut-être que l'époque l'en empêchait, parce que les fameuses exécutions à la télé, etc., dans le roman, on précise bien que parfois, il y a quelqu'un qui est innocent qui est tué, mais il leur prend un coupable, il faut que le spectacle continue, le show must go on, c'est, voilà, le bouquin va très très loin, quoi, c'est, et Truffaut, bah, à un moment, donc, le limier mécanique, il met à la place une espèce de flic volant. Bon, ça fait longtemps que j'ai pas eu Fahrenheit, mais dans mon souvenir, c'était pour beauf, quoi. C'est pour Bah moi, ça marchait pas tellement, quoi. dans le film moi ça me fait vraiment penser aux drones quoi, c'est-à-dire que tu vois les mecs ils sont par quatre, c'est des groupes de quatre, enfin t'as quatre mecs ils se planquent à ce moment-là quoi et je me suis dit mais putain mais alors premier truc tu penses à genre tu sais des trucs à la con genre Rocky Tyr ou même le mec là le français qui a inventé son truc, mais non Minority en fait. Report. Minority Oui, Report. mais moi, dire après, je me suis plutôt, j'ai plutôt pensé qu'en fait, les mecs, ils regardent juste comme des drones, quoi. Des drones avec une cam, quoi. Ça, c'est juste ça, en fait, leur fonction dans le film. Mais ça participe un peu à cette espèce d'ambiance inquiétante, avec cette espèce de pompiers Playmobil qui sont comme une caste, effectivement, comme t'as dit, quoi. Il y a un truc qui est intéressant dans le roman, Bradbury, il appelle tous les petits écouteurs qu'ils ont dans l'oreille, il appelle ça des coquillages. Ce qu'on pourrait traduire, nous, à notre époque actuelle, par tout ce qui est Walkman, iPod, mini-disc, etc. Et même, il y a le logo des pompiers qui arbore une salamandre. Ça se trouve dans le film, dans mon souvenir, ça se trouve dans le Non, film, parce que toi, dans le film, c'est juste un rond avec 451, Ah mince, oh, tu brises mon souvenir, dommage. je Et par contre, Truffaut, dans mon souvenir, je crois qu'il en profite pour donner des détails assez croustillants, parce qu'il y a une bande dessinée où il n'y a aucune bulle. Il y a aucun texte, c'est juste des images. C'est le genre de bouquin qui peut être autorisé, entre guillemets, c'est assez croustillant, ça. Oui, d'ailleurs, je crois qu'à un moment dans le film, il lit une BD. Oui, c'est Je ça, c'est ça. m'étais étonnée, je me suis dit, ah oui, ça doit être considéré comme pas tout à fait comme un livre et tout. Mais en Mais fait, du c'est coup, une BD sans texte. C'est une BD où il n'y a aucun texte. oui, mais il y a aussi, enfin, il y a aussi le fait que la bande dessinée, des fois, souvent, et surtout par les Français, en fait, on a toujours une, enfin, souvent une image comme quoi c'est pas vraiment de la littérature, tout ça. Enfin, suivant les gens qu'on connaît, quoi. Moi, je sais que, enfin, anecdote, quand j'étais gamine, moi, je lisais des BD et quand j'étais toute petite, et les gens ils passaient, ils disaient, ah, c'est bien, assez lire et tout, tu vas pouvoir lui offrir des livres. Et on m'offrait des livres qui n'étaient pas des BD, parce que pour eux, c'était pas de la littérature, quoi. Ouais, mais c'est toujours le même truc, c'est à chaque fois, il y aura toujours un truc qui. Les jeux vidéo qui rendent violents, les BD, c'est pas de la lecture, etc. Il y a toujours un truc qui gênera la France, madame. Ah, ben c'est oui, c'est ça, ouais. Donc, pour revenir un peu au film, il y a une idée qui est fabuleuse, t'en as parlé, c'est que il y a une idée qui fait que la lecture, ça permet d'entretenir la mémoire. D'où les hommes livres à la fin, qui est déjà dans le roman, déjà à la base. Ouais. Et il y a aussi un truc très intéressant, si je me souviens bien, c'est que Montag et son épouse, et en fait, leur mémoire, elle est complètement morte, parce qu'ils ne se rappellent même plus comment ils se sont rencontrés, ni pourquoi ils sont ensemble. Et même le capitaine des Ouais. pompiers, il a mis une médaille à son effigie comme geste mnémotechnique, mais il ne se souvient même plus à qui il l'a donné, à quel recrue, etc., tout ça. Alors que la lecture permet d'entretenir la mémoire et le cerveau. Ça, c'est prouvé scientifiquement. Et Truffaut, c'est pour ça, la scène finale où il y a les anciens livres qui lit, qui continuent de vivre à travers les gens, qui finissent par devenir, apprendre les livres par cœur pour pouvoir les transmettre une fois que les livres ont brûlé. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà dans le roman de base. Et même, l'image finale, elle est presque, on dirait presque du Tarkovsky, quoi. C'est assez étonnant pour Truffaut, quand on connaît Truffaut. Même à un moment, il y a des couleurs un peu un rêve coloré avec les rails du monorail. On n'attend pas à avoir quelque chose comme ça, si coloré, si truc. C'est pour ça que je disais que Nicolas Roeg a peut-être fait partie un peu plus que prévu dans le film. Par rapport au personnage de J.K. Christie, j'oublie des trucs, c'est qu'il y a des trucs très bizarres où je m'attendais à plus de révélations sur son personnage qui sont pas venues, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment... Sur la montagne. Hein? Sur le pompier, Montag? Non, sur la femme de Montag. Parce que, genre, il y a des trucs où à un moment, il la trouve évanouie et du coup, il appelle le SAMU, enfin l'équivalent du SAMU, machin. Ils viennent et les infirmiers, ils lui disent bon, bah elle est à côté, il la déshabille et tout. Enfin, ils s'en occupent, ils lui font on sait pas quoi. Et en plus, les pompiers, dans la manière dont ils en parlent, disent oh c'est, en gros, ils en parlent mal d'elle en disant oui, avec des folles dans le genre, ça arrive souvent. Et en fait, après. Ils disent au mec, ils disent à Montag, quand elle va se réveiller, avoir faim de tout. Et effectivement, elle se réveille à la faim de tout, à la faim de lui, à la faim tout court, enfin voilà. Et tu dis, mais il y a un truc derrière, en fait. Et moi, je m'attendais, est-ce qu'il révèle un truc, tu vois, par rapport à ce personnage? Et je n'ai jamais compris pourquoi. Alors, je me dis, j'ai dû louper un truc, ou alors, est-ce que c'est un truc qui est dans le bouquin, où ils en disent plus là-dessus? Enfin, je sais pas, c'est... Je n'ai pas souvenir, mais c'est peut-être aussi dans le bouquin. Mais en tout cas, ce qui est dans le livre, c'est que, et qui est tout à fait retranscrit dans le film, c'est que les gens sont comme devenus comme des zombies. Ils obéissent à cette espèce d'entité audiovisuelle. Et à notre époque, maintenant, quand je vois tous les gens qui sont dans moi, quand je suis dans RER, je suis la seule personne à lire, tout le monde a les yeux rivés sur son téléphone, bah, c'est triste, quoi. C'était prophétique quand Bradbury écrit son bouquin, ça l'est encore plus encore aujourd'hui, quoi. Il y a, il y a la scène dans le bouquin qui est, dans le film qui est assez clarante, c'est quand elle lui dit, il rentre du boulot, elle lui dit, oui, je vais avoir un rôle dans la famille. La famille, c'est son émission de télé, tu vois. Et genre, ouais, ça, en fait. Ça, chacun regarde les mêmes programmes. C'est ça. Qui... Et en fait, dans le truc, c'est qu'à un moment, donc elle est, il y a le programme qui se passe. Et en fait, le truc, c'est que les mecs se tournent vers elle, en tout cas vers la cam, comme si elle faisait partie du truc, et elle doit répondre à ce moment-là, et il continue. Et en fait, c'est là que tu te dis, ils se foutent de sa gueule, en fait. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit qu'elle avait un rôle, alors qu'en fait, c'est juste, c'est pour la faire participer, pour l'engrainer dans le programme, pour oui, mieux. C'est du Dora l'exploratrice, quoi. Oui, c'est ça, c'est du Dora l'exploratrice, quoi. Mais c'est pour engrainer et mieux embrigader le spectateur, quoi. Et tu vois le personnage de la femme de Montag qui participe en y croyant à mort, quoi. Donc, ouais. C'est ouais, l'embrigadement par les écrans, quoi. Donc voilà. Donc écoute, je vais conclure un peu comme toi. Pour moi, c'est un film intéressant, c'est un bon Truffaut, c'est pas parmi les meilleurs, mais c'est vraiment une tentative intéressante de retranscrire un livre culte. Et en fait, finalement, il arrive à la fois à trahir le truc et en même temps à être fidèle. Donc c'est pas mal, c'est pas mal. Ouais. Et j'ai une question. Il est accessible au moins? C'est un Truffaut accessible, ou alors c'est un Truffaut si t'es pas une truffe? Moi, je trouve... Oh, putain. Non, mais c'est une question sérieuse, hein. C'est ouais, moi, j'ai trouvé qu'il était accessible. Ouais. Oui, il est assez accessible, quoi. Ouais. Est-ce que dans le... Justement, dans ce genre de film un peu d'anticipation, est-ce que vous classeriez avec le Prix du danger? Ah, oh, j'ai vu il y a tellement longtemps, mais je me souviens. Je l'ai pas vu. Ah, ça s'appelle le Prix du danger, Nio. Non. Moi je l'ai vu il y a trop longtemps, quoi. Donc, ça, d'ailleurs, je me le reverrai bien. Demain, je t'avoue, je me le verrai bien. C'est un film des années 80 avec Gérard Lanvin. Mais oui. Il participe à une espèce de télé-réalité et tout. Et c'est un peu dans le même délire, justement, sur l'aboutissement des masses, etc. Moi, j'avais vu l'an dernier La mort en direct de Tavernier. Ouais. Qui parle aussi d'une émission où il y a je crois que c'est Romy Schneider, ouais, Romy Schneider, et ils lui font croire qu'elle est malade et qu'elle va mourir bientôt, et un truc de télé va tout le temps la suivre jusqu'au dernier jour. Ouais, d'accord. Putain, c'est ouf. C'est ouf, mais Tavernier n'exploite jamais vraiment son truc. Ça pourrait être un film assez inquiétant, monstrueux. Et il part dans le drame un peu intimiste vers la fin. Il n'ose pas vraiment, peut-être par pudeur, mais... Ouais. Bon. Voilà. Du coup, dans ta lancée, Nio, tu enchaînes avec Dementia de John Parker? Ah mon Dieu, je parle beaucoup. Alors, oui, vas-y. Alors, Dementia, eh ben, Alors, Demencia, c'est le genre de petite pépite culte qu'on redécouvre qu'aujourd'hui. C'est un film dont John Parker, c'est son unique film. Et son unique film parce que le truc a été charcuté, ça a été un flop et il a été tellement dégoûté. Alors qu'il y a mis beaucoup de lui-même, parce qu'en fait, quand il tourne le film, il sort en 53. Mais il va sortir déjà dans un cinéma de quartier et ça n'a pas du tout marché. Il va ressortir en 55, remonter sous le titre La fille de l'horreur, The Daughter of Dark Horror, avec en plus de la voix off, des paroles, tout ça. Parce qu'il faut comprendre que Demencia, c'est un film en 55 en noir et blanc qui est assez étrange parce que déjà d'une part, il n'y a aucune parole. Alors, c'est pas un film muet, bien sûr, qu'on entend parler d'un qui discute, etc. Mais il n'y a aucune parole, tout passe par le regard comme un film muet. Alors qu'on est en 55, on entend des gens qui parfois qui parlent dans la rue, tout ça. Le film est aussi dans son concept, c'est un mélange de film noir avec film surréaliste, film fantastique, rêverie un peu étrange, où on suit une jeune femme qui se réveille dans une chambre d'hôtel. Elle se réveille comme si elle avait fait un cauchemar et elle est en sueur. Et elle commence à prendre ses affaires et elle regarde dans le tiroir, il y a un truc qui dépasse, c'est un pendentif qu'elle va mettre, mais dans le tiroir, il y a aussi un cran d'arrêt. Le cran d'arrêt, quand elle le prend, elle a un sourire très étrange qui te dit, tu commences déjà dès le début à penser qu'elle n'est pas normale. Et D'où quand elle est dans la l'affiche. rue, pardon? D'où l'affiche avec la meuf avec son couteau, là, avec son C'est cran ça, d'arrêt. c'est ça. En fait, tout le film va faire planer quelque chose de très étrange sur l'actrice, sur la jeune fille. La jeune fille qui n'a pas de nom, elle est juste appelée la gamine. La gamine, pour l'anecdote, c'est Adrienne Barrett, c'est en fait la secrétaire du réalisateur John Parker, secrétaire. Il lui a fait passer quelques essais, elle lui a raconté un rêve qu'elle avait fait, un cauchemar plutôt, où elle courait, etc. Elle avait ce couteau dans la poche et a rencontré des gens très bizarres dans la rue. Et John Parker, il a entendu ça, il a fait « Ok, tu me mets ça à l'écrit, on va en faire un film et c'est toi qui auras le rôle. » Et il faut reconnaître qu'elle a jamais joué, c'est pas son truc, c'est une secrétaire à la base. Et elle est hallucinante dans le film. Elle est incroyable. Tout passe par les regards, les visages. On voit que John Parker, c'est quelqu'un qui a beaucoup étudié pour les films, tout ça. Avant que l'émission commence, tu m'avais dit, oh, on dirait qu'il y a Orson Welles. Il y a effectivement un acteur qui pourrait ressembler à Orson Welles et qui joue presque comme Orson Welles, quoi. C'est incroyable. Et en fait, il y a même un acteur qui va jouer un double rôle, qui va jouer à la fois le père de la jeune fille et en même temps un flic qui la poursuit tout le temps. Et elle, quand dans la rue, elle a toujours souvent un journal qui vient se coller à ses pieds, un journal qui dit qu'il y a quelqu'un qui était poignardé dans la rue. Donc est-ce que c'est elle qui l'aurait poignardé, tout ça, qui fait ce couteau dans sa poche? Voilà. Je ne vais pas comment dire sur le film. En fait, tout s'explique à l'image. Même la jeune fille, tu sens qu'elle n'est pas nette, parce que tu comprends quelque chose qui est lié à son passé, encore un passé psychologique. On est désolé. Avec son papa qui l'a battu, tout ça, etc. La figure du père qui revient, enfin, ça pourrait être même la psychanalyse, on pourrait faire un truc de psychanalyse, traiter le film en fac là-dessus, sur sujet, quoi. Donc, et je suis pas étonné que ce genre de film a aussi marqué un Lynch plus tard, quoi, parce que tous les plans sont presque au cordeau, ou au millimètre. Les plans, tu vois, tu peux faire des captures d'écran, tu te dis, putain, c'est bien filmé, c'est bien cadré, tu comprends que Parker a été dégoûté, du coup, que son truc soit passé totalement inaperçu. Parce que le truc, en même temps, tu te dis, le film, tu te dis, dans quel cas tu le ranges? Il n'y a pas de parole. Il est fantastique? Oui, mais non. C'est de l'horreur? Oui, mais non. C'est le film noir, parce que ça reprend les films policiers, etc. Ben, oui, mais non. C'est un Et truc hybride, quoi. les acteurs sont connus? Ben, oui, mais non. Tu peux ranger le film dans aucune case. Donc, Comment peut-être que ça, c'est pour acteur connu, oui mais non, en fait. l'avancer. C'est ça, quoi. C'est-à-dire Non, pourquoi? mais. Ils ont fait quoi? Ils ont fait des trucs, mais pas assez connus, c'est ça? Non, c'est par exemple, je prends Bruno Vesota qui joue le rôle de un peu Orson Welles, le gros acteur. Tom, je ne suis pas trop chauffeur, attention, c'est juste pour le pointer du doigt. Qui joue un peu le rôle, un peu comme tu disais, Orson Welles. Il a joué dans des petits films, mais il a souvent joué des second rôles, voire troisième rôle, etc. Dans la filmographie, je vois pas trop ce qu'on pourrait dégager de connu. D'accord. Attack of the Giant Leeches. Ouais, bon, invasion de Star Creature. Oui, non, je suis d'accord. Voilà, quoi. Et c'est pourtant un acteur qui a plus de 80 rôles à son actif, mais. Ouais. Et voilà, en fait, c'est surtout des gens qui sont venus lui donner un coup de main, etc. Je sais pas s'ils ont été rémunérés. Et c'est un peu un film pour l'art, comme on dit. Et d'ailleurs, c'est tellement pour l'art qu'il s'est vautré. Et que le film a été redécouvert, et dans ses deux versions, à la fois la version de base d'Emancia, Il y a aussi la version des paroles, des scènes coupées, de la voix off, le Dr. Horror. Mais on peut voir les deux versions maintenant, dorénavant, en DVD, remasterisées, aussi bien en import anglais que chez nous, avec Backfilm. On peut encore le trouver sur Amazon, le film. Donc voilà, c'est une espèce de petite pépite qui mérite d'être vue et revue. D'accord, ok. Ok. Voilà. Bah écoute, on va finir par un film français qui s'appelle Clément, Alex et tous les autres, d'un réalisateur taïwanais qui s'appelle Cheng Shui Kuo. Et donc en fait, c'est l'adaptation de la propre pièce du gars. Cette pièce s'est jouée en 2006 à Paris, dans un petit théâtre, voilà. Et il en a fait un film. Donc l'histoire, en fait, c'est un couple de personnes qui habitent ensemble. Enfin, un couple. Ils sont pas ensemble parce que tous les deux sont gays. Hein. Et une nana et un mec, lui il est gay, elle est lesbienne. Et en fait, ils cherchent un colocataire pour un troisième. En gros, tout le monde est heureux, quoi. Quoi? Non, tout le monde est heureux, laisse tomber. D'accord. Et donc ouais, il cherche un troisième colocataire, et que ce soit mec ou nana, hein, mais en fait il y a une seule condition, c'est qu'il soit gay. Et en fait, donc ils font leur choix sur quelqu'un, mais en fait ce mec-là, il se fait passer pour gay alors qu'il ne l'est pas, pour avoir la colocation en fait. Et donc il débarque donc dans la coloc avec sa pote, qui du coup qui se fait passer aussi pour lesbienne alors qu'elle ne l'est pas non plus. Et donc alors le film en lui-même, les acteurs, ils sont pas follement connus, hein. Ils ont, c'est pas des débutants non plus, hein. Ils ont quand même un petit peu, ils ont, tu vois, il y en a une, la Chloé Berthier, justement, elle est en acting depuis 2003. Bon, il y a beaucoup de courts-métrages, hein, je ne cale pas, beaucoup de télé, voilà. Elle a fait un peu du studio Bagel, tu vois. Enfin bon, c'est la vie de comédienne classique, quand tu n'es pas forcément super connue, voilà, que tu galères, que tu essaies d'avoir des rôles. Pareil, le mec qui joue le jeune acteur qui se fait passer pour gay, lui aussi, tu vois, il fait de l'acting depuis 2010, beaucoup de métrages, de la télé, idem. Voilà, un ou deux longs métrages. Donc il y avait aussi et il y a un mec qui a joué dans cette demi-nage. Donc vu que j'ai pas la télé, je peux pas dire, hein. Mais le mec qui joue le gars qui est l'appartement, il joue dans cette demi-nage. Donc voilà. Et il y a une autre actrice, voilà, pareil, qui Caroline, celui qui joue dans cette scène de ménage, c'est David Mora. Celle qui joue, l'autre actrice qui joue sa colocatrice s'appelle Carolina Jurczak, qui, elle, pareil, active depuis 2011, avec beaucoup, beaucoup de télé. Notamment, elle a joué dans Marseille. Ah, donc... la série? Ouais. Ah, pardon, excuse-moi, je me suis trompé, j'allais dire le truc de Marshall, mais en fait c'est Bronx. Ouais, non, c'est ce qui se passe à Marseille, mais voilà. Et donc, hein? L'actrice, c'est comment son nom? Carolina Jurczak. Waouh. Si j'ai bien prononcé, voilà. Et elle a fait sinon beaucoup, beaucoup de télé, voilà. Elle est très jolie. Faut dire. Non, mais ils sont très bien. Enfin, hein, les acteurs en eux-mêmes, enfin, très bien. Ils sont, en tout cas, physiquement, ils sont bien choisis. C'est-à-dire qu'ils sont pas, ils ont suffisamment de charme, mais sans être trop beaux non plus. De ce côté-là, de ce côté-là, y a pas grand-chose à dire. Alors, attends, parce que du coup, j'ai pas les mêmes notes. Faut que je prenne mes notes papier. parce que tout à l'heure, j'ai dit ça. Donc, attaquons le dur. Parce que j'ai pas... Comment dire? Je suis un peu déçue par le film. C'est-à-dire qu'en fait, adaptation de pièces de théâtre, je le savais pas en matant le film, quand j'ai commencé à mater le film, et ça se voit parce que c'est quand même assez théâtral. Ça peut plaire à quelqu'un, ça. Comment? Ça plairait à quelqu'un qui n'est sûr que par le théâtre. Possible. Ça. Non, mais ça se voit que c'est théâtral, en fait, dans le jeu et tout. Et en fait, on en revient à la même critique que j'avais quand on a parlé de The Boys, qui était la pièce, qui était le film de 71 de Friedkin, qui était une pièce à l'origine et pièce qui a été remontée en 2018, je crois, avec un casting avec des gens super connus, dont James Parsons, Zachary Quinto et tout, et qui a sa version de Netflix cette année. La version de Netflix et la pièce de 2018, c'est la même personne qui l'a réalisée et mis en scène. Et du coup, on voit le côté théâtral qu'on ne perçoit pas dans la version de 71 parce qu'elle est mise en scène par Friedkin, un cinéaste. Donc, je Il fait pense. filmer. Comment? Il fait filmer. Oui, bah après le réalisateur en lui-même, il avait réalisé un court-métrage qui avait eu un bon accueil critique. Alors attends, comment il s'appelait son film? Séance familiale, voilà. Et il avait été même nominé pour les Césars du meilleur court-métrage. Il était nominé, il n'a pas gagné, mais il était nominé, tu vois. Donc bon, on peut supposer. Mais là, c'est très basique. Voilà. Donc je suis un peu déçue à ce niveau-là. Donc c'est un peu fouillis dans les relations en fait au début, tu vois. Et moi je me suis dit c'était sans doute pour indiquer que les personnages, voilà, vont s'entremêler. Voilà. Il y a toute une relation entre le frère et la sœur. Donc le frère, c'est le mec qui cherche un coloc et qui a dit moi je veux quelqu'un de gay. Et sa sœur qui est super intrusive, quoi, qui a les clés de chez lui, qui débarque comme ça. Et on sent que c'est un truc qui grève l'histoire aussi. C'est-à-dire que t'as l'impression que finalement, bah, on te parle de la sexualité des personnages, mais c'est pas du, enfin, on insiste sur la sexualité des personnages alors que c'est pas vraiment le sujet, quoi. Moi, c'est l'impression que ça m'a fait, quoi. Au tiers du film, on ne sait pas trop l'utilité d'avoir insisté sur la sexualité des personnages. On aurait pu faire le film sans, pour moi. Il y a une grosse révélation donc au tiers du film où il dit eh, non, finalement, je suis pas gay. Et des fois, t'as les acteurs, t'as l'impression qu'ils récitent leur texte, en fait, plus qu'ils ne le jouent. C'est très très académique. Et les dialogues d'ailleurs sont vraiment pas très bons, quoi. Enfin moi c'est pas catastrophique, ça se laisse regarder, hein. Je veux dire, tu rigoles pas en te disant oh putain c'est vachement nul, mais c'est pas très bon, quoi. Les interactions, on n'est pas dans le nanar du tout, hein. C'est juste pas bon. Les interactions entre les personnages sont bizarrement mises en scène. Ça manque un peu de naturel, quoi. Et en fait, dans le tout, en fait, dans l'histoire, on est juste sur des gens en mal d'amour qui se confrontent, voilà, avec leur névrose. C'est juste ça, en fait, le sujet de l'histoire. En fait, le mec dans l'histoire, le personnage principal, il est scénariste de film, scénariste, réalisateur. Film. Et c'est marrant parce que j'ai lu que son court-métrage Séance familiale devait être inspiré de sa vie personnelle, Auréa. Là, son personnage principal est Réa, scénariste Réa, je pense qu'il a dû y mettre un petit peu de lui aussi dedans. Et donc, en fait, il a choisi de ponctuer l'histoire de temps en temps par une fausse histoire narrée par son personnage principal, mais une histoire en noir et blanc, tu Compliqué. sais. Une histoire, ouais, c'est tout en tant que, j'ai pas très bien compris l'intérêt. Ça fait très arty, quoi. Mais en plus, c'est arty lourdingue et ça n'a pas d'intérêt. Je suis sûre que ça fait le parallèle avec certains trucs, mais c'est pas flagrant, quoi. Bon, voilà. Mais en même temps, c'est très léger comme truc, donc ça se laisse regarder. Et du coup, en fait, tout ce qui reste, c'est une déception, pas avoir eu mieux. Donc c'est un peu s'il y avait un truc, mais c'est oui. Donc c'est un peu décevant, mais après c'est pas, j'ai largement vu pire comme film, hein, mais voilà quoi. C'est bien, mais pas top. C'est même pas bien, c'est même pas bien, si ça se regarde, c'est même pas bien, ça se regarde. Ouais, je suis un peu déçue parce que ouais, c'est un ouais. Ce sera le mot de la fin. Mouais. Ouais, je peux pas te dire ouais. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a été sérieux aujourd'hui dans ce qu'on a regardé? Oh, il y a que toi, Nelson, qui a été hyper, qui s'est dit, allez, moi je vais regarder un truc pour m'acheter un peu. Mais nous, on a été ouais. Ouf. C'est vrai. C'est vrai. On a été méga sérieux. On est en symbiose, Nio et moi, là. Ah ouais, c'est vrai. Donc la thématique qui ressortait un peu, c'était Bowie et l'homosexualité, je trouve, aujourd'hui. Ouais. Entre Beck et Artie, voilà. Bowie, homosexualité, Artie, voilà. Donc voilà. On avait fini pour aujourd'hui. On reviendra la semaine prochaine. Bah si. Yes. Au revoir. Au revoir.